Chapitre 9, page 75, exercice 4. 1. Elle ne croit plus à rien. Elle qui était si engagée politiquement, elle est très déçue. 2. Avec François, on ne s'ennuie pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son style est assez coloré, ce qui met de l'ambiance. 3. Maintenant, elle est trop âgée pour sortir. Elle ne s'intéresse plus à grand-chose. Elle vit dans son petit monde étriqué. C'est triste. 4. Mon voisin est têtu comme une mule, et le moindre détail prend une importance disproportionnée. Quel esprit étroit ! 5. Comme Damien est gentil, il rend service à tout le monde. Il se coupe en quatre pour ses amis.